XIXe siècle. Elle a été peinte par Théodore Gérigole, un véritable manifeste du romantisme. Cette immense toile réalisée entre 1818 et 1819 retrace un fait divers qui a marqué la France. L'histoire du naufrage d'une frégate au large de la Mauritanie. La frégate française La Méduse s'échoue le 2 juillet 1816 au large des côtes mauritaniennes avec à son bord près de 400 hommes, alors qu'elle s'apprêtait à coloniser le Sénégal. Le radeau de La Méduse présente une certaine continuité avec les courants picturaux antérieurs au romantisme, notamment dans le choix du sujet et le caractère dramatique de la représentation, mais rompt de manière nette avec l'ordre et l'inquiétude de la peinture néoclassique. La peinture néoclassique est un courant pictural issu du néoclassicisme qui apparaît à la seconde moitié du XVIIIe siècle et se poursuit jusqu'au début du XIXe siècle, succédant au rococo et précédant la peinture romantique. Le choix de la représentation pour cet épisode tragique, pour sa première œuvre d'importance, Gérigole a conscience que le caractère récent du naufrage éveillera l'intérêt du public et lui permettra de lancer sa jeune carrière. Donc, il s'est rapidement saisi du sujet et a longuement étudié ce fait divers avant d'en dépeindre ce qu'il allait être le plus grand succès de sa vie. À cela, il a fait la rencontre de deux des survivants de la catastrophe, construit un modèle réduit très détaillé de la structure du radeau et se rend même dans des morgues et des hôpitaux afin de voir de ses propres yeux la couleur et la texture de la peau à cause de l'eau des mourants. Dans cette peinture, il y a quatre éléments d'importance à savoir. Le premier, il y a une double composition pyramidale. Le radeau de la Méduse est devenu une œuvre célèbre grâce aux aspects que le peintre a démontrés avec tout son génie par un travail perspicace. Tout a été pensé et calculé. Ce que l'on remarque en premier lieu, outre la force saisissante des clairs obscurs, c'est cette composition pyramidale qui nous élève vers le ciel à peine plus lumineux mais extrêmement lourd. Deux pyramides invisibles se dessinent. L'art de la force et du combat face au cri du désespoir et de la déchéance béante qui trône sur le radeau. Le mât à gauche double cet homme sur quel reposent tous les espoirs. La deuxième, nous avons une éloge de la mort. L'axe descendant du tableau nous indique clairement que la mort a commencé à emporter des hommes. Les corps sans vie changent sur ces planches en bois et Gérigole n'a rien laissé au hasard. Un homme tient son fils mort dans ses bras, d'autres sont étendus, le corps en partie immergé dans l'eau. C'est une tragédie parfaitement bien captée par le peintre. Le troisième. Gérigole s'est invité sur le tableau. Il s'est représenté dans l'éloge de la mort, sur le radeau, mais on ne peut voir son visage. Une question se pose. Est-il déjà mort? Va-t-il y succomber? Et le dernier élément est la naissance d'un espoir, signe d'une liberté retrouvée. Après de longs jours baignés dans l'horreur, l'Argus se dessine au loin, dans les vagues agitées, prêt à sauver ses rescapés exténués.